naissance à 20 ans, de 20 ans à 40 ans, de 40 ans jusqu'à la mort. De la naissance à 20 ans, de 20 ans à 40 ans, de 40 ans jusqu'à la mort. troisième étape à la vie. Toko mi pene yaliwa. Mon ambassi li boso ya kozwa bomengo. Bongola ezale lina yo. Olenge mi kolona yo ya suka ya mokili. Futaba nyongo yo bosana. Pesa motema na mzawe. Bona la paix du cœur. La paix du corps tokoluka. La paix de l'esprit tokoluka. Tu verras ma soumou yo sana. Limi sabaye basa.